fait un malentendu entre autres. Je voudrais vous donner cette règle de première approximation de la référence d'un discours. C'est ce qu'il avoue vouloir maîtriser. Ça suffit à le placer justement dans la parenté du discours du maître. Et c'est bien la difficulté de celui qui essaie de rapprocher autant que je peux du discours de l'analyste. Il doit trouver à l'opposé de toute volonté, au moins avouée, de maîtrise. Puis au moins avouée, non pas qu'il ait à la dissimuler. Après tout, il est facile de redéraper toujours dans le discours de la maîtrise. Ça voudrait dire, partant là, dans ce qui est enseignement, le discours de la conscience. Il s'est repris, il se reprend tous les jours. Indéfiniment, je suis bien très proche de moi, bien sûr, dans la psychiatrie. Quelqu'un de mes meilleurs amis lui a donné sa meilleure touche. Discours de la synthèse. Discours de la conscience maîtrise. C'est à lui que je répondais dans certains propos que j'ai tenus il y a un bout de temps sur la causalité psychique, propos qui sont là pour témoigner que bien avant de prendre en main le discours analytique, j'avais déjà une confiance. À peu près ceci. Comment peut-il se faire autrement que d'appréhender toute cette activité psychique? Comment peut-il se faire de l'appréhender autrement comme un rêve quand on entend mille et mille fois au cours de journée cette chaîne bâtarde, destin et d'inertie, de coups de dés, de stupeur, de faux succès, de rencontres méconnues qui font le texte courant d'une vie humaine. Je vous attends à tant d'élan qu'à rien d'autre. De plus superficiel. En mon discours que de ne pas prétendre à la solution. Néanmoins, il est clair que rien n'est plus brûlant que ce qui, du discours, fait référence à la jouissance. Le discours y touche sans cesse. De ce qui est d'origine, l'émeut à nouveau et qu'il cessait à retourner à cette origine. Et c'est en cela contexte tout apaise. Paul tient un discours étrange. Il faut le dire, le plus contraire à la cohérence, à la consistance d'un discours. Le sujet du discours ne se sait pas en tant que sujet tenant le discours. Qu'il ne sache pas ce qu'il dit, passe encore. On y a toujours supplé. Ce que Freud dit, c'est qu'il ne sait pas qui le dit. Le savoir, car le savoir se pense y avoir déjà assez insisté dans la tête, le savoir est chose qui se dit, qui est. Eh bien, le savoir parle tout seul, voilà l'inconscient. C'est là qu'il aurait dû être attaqué par ce qu'on appelle plus ou moins diffusément la phénoménologie. Il ne suffisait pas pour contredire Freud de rappeler que le savoir se sait ineffablement. Il fallait porter l'attaque sur celui-ci. C'est ce que Freud met l'accent sur ce que n'importe qui peut savoir. C'est que le savoir s'égrène, que le savoir s'énumère. Détail. C'est ça qui ne va pas tout seul. C'est que ce qui se dit, le chapelet, personne ne le dit. Déroule tout seul. Si vous me permettez, c'était par là que je voulais commencer, par cet aphorisme. Vous allez voir pourquoi j'y ai reculé. Je fais comme d'habitude, heureusement cette fois-ci, je l'ai fait avant 12h31, qu'il est. De façon à ne pas retarder cette fois la fin de notre rencontre. Ce parfois. Je voulais commencer, si je commençais comme j'en ai toujours envie, de façon abrupte, c'est parce que j'en ai envie que je ne le fais pas. C'est à ce point. Les victimes changent. L'aphorisme est aussi fait. J'espère va vous frapper par son évidence, parce que c'est à cause de ça. Que Freud, malgré protestation séance accueillie, il faut bien le dire, son entrée dans le monde commerce d'une. Ce qui s'est imposé, c'est que Freud ne déconne pas. C'est ça qui a imposé cette sorte comme ça de préséance qu'il y a à notre époque. C'est probablement autour de ça aussi qu'il y en a un autre. Quand on sait que, malgré tout, il survit assez bien. L'un et l'autre, Freud et Marx, les caractéristiques des connaissances. Ça se remarque à ceci, c'est que c'est à les contredire qu'on risque, nous, les complices, assez bien de. le discours de ceux qui veulent les accrocher. Ils le fichent très fréquemment en une sorte de récursion académique conformiste, retardataire, irréductiblement. Plus au siècle que ces contradicteurs, si j'ose dire, déconnent. Il donnerait ses suites à Freud. Il serait dans un certain ordre, celui de ce dont d'après tout j'écoute. Car après tout, on se demande pourquoi comme ça on qualifie sans l'entendre un tel ou un tel fait. Abandonne la question autour de la jouissance féminine. La dernière nouvelle, ceux qui le suivent, personnage éminent à se être distingué, une sorte d'opération de marchandage entre les différents courants qui ont parcouru l'analyse dans ces 50 dernières années, marque ce qu'est l'allégresse dans le dernier numéro paru de l'International Journal en 5 ans analysé. Une allégresse singulière. Au fait que grâce à un certain nombre l'Université de Washington sur l'orgasme national. Une vive lumière serait projetée. Sur ce qui faisait débat, de savoir de la primauté ou non dans le développement de la femme, une jouissance d'abord réduite à l'équivalent de la jouissance de ce travaux d'un nommé Masters et d'un autre Johnson. dire non sans intérêt. Mais quand il voit figurer que c'est sans avoir pu me porter directement au texte, mais à travers certaines citations, que l'orgasme majeur, en tant qu'il serait celui de l'homme, ressortit à la personnalité totale, je me demande ce en quoi l'emploi d'appareil d'une cinématographie et recueillant les images en couleur, ni à l'intérieur d'un appel, qui est là pour représenter pays producteur, et qui donc de l'intérieur ainsi saisit ce qui se passe sur la paroi. Demande comment peut-être c'est de par cet appareil, de ce point de vue, une personnalité totale. Bien sûr, comme accompagnement, je suis dire en marge, puisque le discours de preuve nous permet d'avancer, mais il y a là ce qui donne son sens au mot déconné, comme déchanté, qu'est-ce que c'est que le déchant, quelque chose qui décrit. Côté en marge du plein chant, ça peut chanter aussi, ça peut faire un accompagnement. Mais ça, c'est pas tout à fait dans le temps, plein chant. Et là, c'est pour ça que il y a tant de déchants qu'il faut bien ici rappeler. De quelque chose qui ressort de ce que je pourrais appeler la tentative de réduction économique que Freud donne à son discours sur la jouissance. Ce n'est pas sans raison qu'il le marque ainsi. Vous allez voir l'effet que ça fait quand on l'énonce en direct. Mais c'est ce que j'ai cru faire aujourd'hui, devoir faire. Sous une forme qui, j'espère, vous frappera, encore qu'elle n'apprenne rien, sinon, le ton. Alors, pas parler de la jouissance comme ça, je vous en ai déjà assez dit pour que vous sachiez que la jouissance, c'est le tonneau des Danaïdes. Et qu'une fois qu'on y entre, on ne sait pas jusqu'où ça part, hein. Ça commence à la chatouille et ça finit par la flamber à l'essence. Les choses par un autre facteur dont on ne peut pas dire qu'il soit absent du discours analytique. Si vous lisez enfin, le véritable corpus universitaire que constitue ce numéro et dont on conçoit les auteurs en fait, je félicite de la solidité révélée ces 50 années, c'est que analyse concerne, c'est toujours aussi les mêmes autres. Simplement, avec la fatigue, ils ont réduit de temps en temps leur collaboration. Il y en a un qui s'exprime en une phrase. Oui. Freud l'écrit sous toutes sortes de formes. Et mais un désespoir de cause. Il le force, le suscite au sein du partenaire, supposé se désoler de n'en être pas porteur ou maître. Voilà ce que nous enseignons. Dont elle semble, celle dont elle observe. s'engouffre rapidement dans la fatigante subsistance. À cette jouissance dont l'appareil qui est celui du social, à cette jouissance dont l'appareil qui a au complet d'Égypte fait justement d'être la seule. L'éruption de la mort. physiologie, mais en avant de cette fonction du sexe dans le discours freudien. C'est là qu'on peut s'apercevoir que le sexe, avec l'accent qu'il a pour nous, et l'ordre d'emploi, la diffusion significative, c'est sexus. Et qu'en somme, par rapport au grec, il faudrait poursuivre l'enquête. Et en latin, ça se rattache, mais très nettement, à cette arythmie. Dans le sexus latin, il y a implique ce que j'ai mis d'abord en évidence, à savoir que c'est autour du phallus que tout le jeu tourne, et justement, en tant que le phallus, et uniquement pour ça, car bien entendu, il n'y a pas que ça, il y a un rapport sexuel. Seulement, ce qu'il a privilégié dans le cas, c'est qu'on peut en contre-temps bien isoler s'agissant. Il est pensable comme exclu, pour dire des mots violents, que ça ne peut pas vous noyer ça dans le sabonisme. Il a justement cette propriété que nous pouvons considérer d'ailleurs dans l'ensemble du champ de ce qui constitue les appareils sexuels comme très local et très exceptionnel. Il n'y a pas un très grand nombre d'animaux chez qui l'organe décisif de la copulation quelque chose d'aussi bien isolable dans ses fonctions depuis naissance et de dénaissance, déterminant une courbe dite orgasmique. Parfaitement définissable, on peut se finir, oui, parce que ça, c'est un animal tristé, un élève. C'est mon pensée, d'ailleurs. Et ça marque bien. Enfin, qui se sent frustré, quoi. Il y a quelque chose là-dedans qui ne concerne pas. Je prends quelque chose autrement, je trouvais ça très gai. Mais enfin, Horace trouvait que c'était plutôt. Ça prouve qu'il avait encore gardé quelques dimensions sur les rapports à la fusilité, au bourgeon qui constituerait le désir sexuel. Alors, voilà qui met les choses à leur place. De voir que c'est tout de même ainsi une preuve présente d'une chose. Et que s'il y a quelque chose dans la biologie qui pourrait faire écho aux vagues ressemblantes, nullement racine, nous allons l'indiquer maintenant, racine de discours. Il y a quelque chose qui se faire mal au domaine de la biologie. Nous donnerait une idée comme ça, approximative. Qu'est-ce que ça représente, ça, le fait que tout se joue autour de cet enjeu, que l'un n'a pas et dont l'autre ne sait que faire. Mais je voudrais presque produire que chez certaines espèces animales, j'ai vu tout récemment, je trouve ça faisant part, vous savez, de très jolis poissons, un monstrueux comme doit l'être un poisson. Où la femelle a à peu près cette taille-là, et le mâle, ça ramène. Il vient s'accrocher à son ventre et s'accroche si bien jusqu'au point que c'est difficile. C'est invitable, on ne peut pas mettre au microscope là où commence arrivé à ce qui à peu près reste au bout d'un certain temps dans cette petite poche animale, à savoir principalement les testicules. À la fin, vous savez, fatigué, il résorbe son cœur, son foie, enfin, il n'y a plus rien de tout ça. Et là, tout se passe du tout. La bonne place. D'articuler ça, ce qu'il en est de cette exclusion phallique dans le grand jeu humain de notre tradition, qui est celui du désir. Le désir n'a pas de rapport immédiatement proxime avec ce champ. Cette tradition pose pour ce qu'il est l'éros, la présentification du manque. Voilà. Là aussi, on peut demander comment peut-on désirer quoi que ce soit. Qu'est-ce qui manque? Il y a quelqu'un un jour qui a dit, mais vous ne fatiguez pas, rien ne manque. Regardez les chants. Ils ne disent ni ne filent. C'est eux qui sont à leur place dans leur royaume des cieux. Il est évident pour tenir ces propos, le véritable défi, il fallait vraiment être celui-là même qui s'identifiait à la négation. Thank you. milieu de bande. Et tout ça est conduit de ce prince de Radio au sujet par les dons. Cette dent comme elle était, on va bien voir quel est le savoir de vous rencontrer de la façon dont vous y êtes aspiré ou au contraire dont vous en produisez. On va voir qui ça. C'est là qu'il a fait cette découverte. Qu'il appelle de l'au-delà du principe Dieu de l'Esprit. C'est ceci. C'est que l'essentiel de ce qui est éternel, quoi qu'on a fait dans l'exploration de la science, c'est la répétition. La répétition, ça ne veut pas dire ce qu'on a fini, on le recommence, comme la digestion ou quelques autres fonctions psychologiques. La répétition, c'est une dénotation précise d'un être. J'ai dégagé du texte preuve comme identique au trait du lait. Mère à qui l'on demande. étrangère à la fête. C'est là que quoi doit venir s'insérer la vaste connivence sociale. À l'inverse, ce que nous pouvons appeler au naturel la différence des sexes, en sexualisation de la différence organique. Ce renversement implique le commun dénominateur de l'exclusion d'organes spécifiquement mâles. Le mâle, dès lors, est et n'est pas ce qu'il est au regard de la jouissance. Et de là aussi, la femme se produit comme objet, justement, de n'être pas ce qu'il est d'une part, différence sexuelle, et d'autre part, d'être ce à quoi il renonce comme jouissance. Voilà. Ces rappels sont tout à fait essentiels à faire. Au moment où a parlé de l'envers de la psychanalyse, la question se pose de la place de la psychanalyse dans le politique. L'intrusion dans le politique ne peut se faire qu'à reconnaître. Il y a deux discours, et pas seulement l'analytique, le discours que de la jouissance. Tout au moins quand on en espère le travail de la vérité. Caractérisation du discours du maître comme comportant une vérité cachée. Je ne veux pas dire qu'il cache, qu'il plante le discours du maître. Le mot caché en français des vertus étymologiques. Coactitata. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est comprimé, qui est comme une surimpression, quelque chose qui demande à être essayé pour être lisé. Thank you. religieuse. Il y a aucun plus. Qu'est-ce que je lui donne une observation plus sérieuse de ce qu'il en est dans notre culture, des rapports du discours du maître, quelque chose qui a surgi, et je lui dis d'où est reparti tout l'examen, ce qui, du point de vue de Hegel, s'enroulait autour de ce discours. Légitime de la jouissance absolue, autant qu'elle est déterminée par ce discours, a fixé l'enfant à la mère, la connivence sociale, l'a fait le siège élu des affaires. D'autre part, la formalisation de la durant toute vérité problématique. Que ce n'est pas. Ce qui nous suggère que quelque chose plus que ce qu'on nous indique d'un progrès survenu par le travail de l'esclave. Comme si dans sa condition, il y avait eu le moindre progrès. Pour nous donner l'idée plutôt d'un tranchant, d'une spoliation de ce qui en était au départ, de ce savoir, inscrit, recelé dans le monde de l'esclave, mais auprès de quoi ? C'est le discours du maître qui appelle à l'impôt. Avec un symbole de ce fait, rentrant dans le modèle de son assertion répétée, d'y appréhender la perte de sa propre entrée dans le discours, voir surgir, pour tout dire, cet objet petit à petit que nous avons épinglé plus de fruits. Cela pas plus que le maître avait à faire payer à l'esclave seul possesseur des moyens de la jouissance. Se contentait ce petit dit d'un flux de fruits dont après tout rien n'indique que l'esclave en lui-même fut malheureux de le donner. Il en est tout autre chose de ce qui se trouve à l'horizon de la montée du sujet être dans une vérité qui s'affirme, de son égalité à soi-même, de cette vœucratie dont je parlais une fois et qui est, semble-t-il, l'essence de toute affirmation. Dans la culture qui a vu fleurir entre tous ce discours du maître. Cette soustraction à l'esclave de son savoir, qui est à la fois plus près toute l'histoire de cette dialectique dont Hegel suit les étapes pas à pas, chose singulière, sans avoir vu où elle menait, certes, pour cause, était encore dans le champ de la découverte newtonienne, il n'avait pas vu naître la thermodynamique. Peut-être alors, il avait pu se mettre autour des formules pour la première fois unifier ce champ ainsi désigné de la thermodynamique. conscience d'énergie que cette marque, une instrumentation, signifie le pouvoir du maître. Ce qui est recueilli dans la chute, ceci d'autant doit être conservé que la première des lois. Il y a quelque chose à l'origine dans la surface. Plus exactement de ce prêt-pas au retour, à la remise en état du point de départ. Ici, le principe d'Islam Carnot-Curieux encore un certain Meyer y a beaucoup contribué. L'analogie d'un tel savoir avec un discours qui, dans son essence, donne la primauté à tout ce qui est du départ et de la fin en négligeant tout ce qui, dans un intervalle, peut être de quelque chose qui relève d'un savoir. Cette mise à l'horizon du monde nouveau, de ces pures vérités lumières, de ce qui est comptable. Puisque ceci à soi tout seul ne signifie pas bien autre chose que la vérité en jeu, la savoir absolu. Ce n'est pas un mot. L'idéal même d'une formalisation où plus rien est le compte, l'énergie n'est rien d'autre que ce qui compte, ce qui, si vous manipulez d'une certaine façon les formules, se trouve toujours faire le même total. Ce quart de tour qui fait que c'est à la place du maître que s'instaure une articulation éminemment nouvelle. Complètement réductible formellement du savoir, à la place de l'esclave féminine, non pas quelque chose d'aucune façon s'insérerait dans l'ordre de ce savoir, mais qui en est bien plutôt le produit que Marx dénonce de ce procès de spoliation sans rendre compte. Que c'est dans le savoir même qu'en elle se crée, comme la réduction travailleuse même à n'être plus rien lui-même que valeur, le plus de lui passer un étage au-dessus n'est rien que ce rapport, quelque chose qui n'est plus de lui, mais simplement comme valeur. Encore pour moins bien que le texte. C'est moins bien que le texte parce que dans le texte, ça, on est certain qu'on ne s'arrête pas à l'image et qu'on doit croire tout. Pour tout dire, c'est un bon exemple pour faire la différence de ce qu'il en est du maître et du riche. Quel merveilleux de ça dans les discours. Jamais, c'est le savoir. plante, c'est racheter. Il n'est pas maître qu'en ceci qui commence à tout, je dirais ainsi, personnage, et d'autres que Primation lui-même s'exprime dans les sacerdotes, qu'à partir du moment où il est riche, pourquoi est-ce qu'il peut tout acheter sans payer? Est-ce que lui n'a rien à faire avec la jouissance, que ce n'est pas ça qu'il répète. Il répète son rachat. Il rachète tout. Plutôt tout ce qu'il se présente, il le rachète. Il est bien fait pour être chrétien. Il est par destination le rachat. Est-ce qu'on se laisse acheter par le riche? On se laisse acheter par le riche parce que ce qui donne participe de son essence de riche. Savoir qu'acheter à un riche, à une nation développée, croyez ça, je suis sans la richesse des nations. Vous allez arrivé